The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Farewell. L'adieu. Death. Le décès. To weep buckets. Pleurer toutes les larmes de son corps. Sister Manuel. Sœur Emmanuel. To be very generous and altruistic. Avoir le cœur sur la main. To devote oneself. Se dévouer. Neighbor. Le prochain. To lament. Se lamenter. Sadness. La tristesse. Petite woman. Le petit bout de femme. To move mountains. Soulever des montagnes. Outspokenness. Le franc-parler. Charity. Caritatif. Now, a bit faster. Neighbor. Le prochain. To devote oneself. Se dévouer. Farewell. L'adieu. Petite woman. Le petit bout de femme. Outspokenness. Le franc-parler. Sister Manuel. Sœur Emmanuel. Charity. Caritatif. Sister Manuel. Sœur Emmanuel. To lament. Se lamenter. Neighbor. Le prochain. Charity. Caritatif. Petite woman. Le petit bout de femme. Neighbor. Le prochain. To lament. Se lamenter. Outspokenness. Le franc-parler. To devote oneself. Se dévouer. Charity. Caritatif. Sadness. La tristesse. Outspokenness. Le franc-parler. Charity. Caritatif. To weep buckets. Pleurer toutes les larmes de son corps. Sister Manuel. Sœur Emmanuel. Death. Le décès. Sadness. La tristesse. To weep buckets. Pleurer toutes les larmes de son corps. Charity. Caritatif. To devote oneself. Se dévouer. Now, use the words in context. Se dévouer. She is ready to dedicate herself to helping these orphans. Elle est prête à se dévouer pour aider ces orphelins. Caritatif. Many artists have already accepted to take part in the concert in order to raise awareness about this charitable work. Pour faire connaître cette œuvre caritative, de nombreux artistes ont déjà participé au concert. Le franc-parler. It's rare to see a politician speak so outspokenly. C'est rare de voir un politique s'adresser avec tant de franc-parler. Se lamenter. He spends his time weeping over his lot. Il passe son temps à se lamenter sur son sort. Le prochain. She is very generous and never hesitates to help others. Elle est très généreuse et n'hésite jamais à aider son prochain. Caritatif. Many artists have already accepted to take part in the concert in order to raise awareness about this charitable work. Pour faire connaître cette œuvre caritative, de nombreux artistes ont déjà participé au concert. Le franc-parler.